soir de fin décembre, ou de janvier, en tout cas en hiver, un homme se laisse guider par les vibrations brumeuses. Ses pas sont comme téléguidés vers l'inconnu, vers la faible lumière émanant d'un manoir jusqu'alors ignoré. Le chemin lui paraît singulier, ses pas se font de plus en plus lents. Parfois il s'arrête, il attend, et irrésistiblement il reprend sa route. Malgré l'univers inquiétant, la brume et les sons sourds qui emplissent son crâne désormais malade. Le voilà quelques enjambées du lieu qui l'attire depuis peu. Il n'arrive même pas à s'étonner du caractère inconnu de l'endroit, lui qui habite dans la petite maison, un peu en contrebas. Au spectacle est digne d'un idiot de Mylène Farmer. Les cris se font maintenant professant. L'homme a peur de ne plus reculer. Ses forces sont abandonnées. Ses tests sont destin. Les occupants s'acharnent sur la victime. À coups de rythme malsain. Les d'arpèges assassins. Un serpent, en hochant la gueule, à la cavalerie de la vie. Il marque les combattants et encourage la musique. L'homme était attendu. La véranda résonne, la tuyau des cannes. La carcasse sera jetée sans cérémonie.